Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les recompositions au tournant des années 1990 ? Quel est le chaudron politique qui émerge ? Comment repose-t-il sur un mode négatif ? Pourquoi faire une théorie des passerelles et des greffes pour comprendre les convergences de groupes très différents et l'émergence des populismes, demande l'historien philosophe du politique Pierre Auzan-Vallon. Quelles sont les mutations à gauche avec l'appropriation du mot glorieux et ambigu de résistance et avec les définitions floues de la social-démocratie ? Comment les réflexions de Pierre Bourdieu ont-elles accompagné l'émergence de la gauche de résistance ? Qu'est-ce qui se joue autour du mot néolibéralisme, toujours appréhendé, note Pierre Auzan-Vallon, au singulier et de façon globale, monstre total persévérant ? Pierre Auzan-Vallon, titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique, nous entraîne dans une vaste fresque dans le cadre de sa série sur 2 ans intitulée « Les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique ». Face au désenchantement démocratique, au populisme, aux maux du temps présent, il propose depuis l'an passé de retrouver les enthousiasmes, les aveuglements et les explorations de 1968 à nos jours, en mêlant temps court et temps long de l'histoire. Il n'hésite pas à revenir sur la période révolutionnaire au XVIIIe siècle et sur le long XIXe siècle, comme nous le verrons cette semaine, à mêler au récit collectif son témoignage personnel, tout en tissant parallèlement la narration de ses propres interrogations et de ses recherches sur la démocratie, l'émancipation et le libéralisme. Ce travail qui articule la grande histoire et une histoire particulière, donc celle de Pierre Auzan-Vallon, vise, selon ses mots, à faire progresser la conceptualisation des phénomènes politiques contemporains. Dans cette deuxième et dernière année de cours consacrée au cycle 1968-2018, après l'essoufflement des années 80, ce qu'il a appelé la jachère des idées, les différentes formes d'engourdissement intellectuels et politiques, l'historien philosophe du politique a distingué 3 changements caractéristiques au tournant des années 1990. Ainsi, l'apparition de nouvelles cultures politiques, un certain nombre de mutations de la gauche que nous allons découvrir dès aujourd'hui, de la gauche de résistance aux transformations de la gauche de gouvernement, en passant par l'absence d'analyse du libéralisme social des années Blair en Grande-Bretagne, et il a mis en valeur ce qu'il appelle le grand retournement intellectuel que nous verrons dans les prochains jours. Dans le cours précédent, Pierre Auzan-Vallon a commencé à examiner l'émergence des nouvelles cultures politiques, une culture souverainiste qui s'est détachée du socialisme et qui s'est fondée sur une sorte de néo-républicanisme dénonçant la normalisation mondialisée, puis il a rappelé la mise en orbite dans des conditions nouvelles du FN qui, au-delà du petit parti d'extrême droite dans les années 1970, a été qualifié avec le succès électoral et les années 2000 de parti national populiste et national protectionniste. Le cours s'était achevé par les mues accompagnant le leadership de Marine Le Pen et l'appropriation des figures de la gauche, Jaurès et Marx. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 17 janvier 2018 pour le cours de Pierre Auzan-Vallon. Aujourd'hui, nouvelles cultures politiques en mode négatif et les mutations de la gauche. Marine Le Pen avait intégré son parti à l'histoire républicaine en gommant les relents maurrassiens et contre-révolutionnaires qui émaillaient encore très souvent les discours de son père. Et dans la vision aussi de l'histoire française. Pour Jean-Marie Le Pen, l'héritage français ne donnait qu'une place subordonnée aux deux siècles de République. Et Jean-Marie Le Pen avait coutume d'opposer les deux siècles de République aux 4000 ans de culture européenne, aux 20 siècles de christianisme et aux 40 rois de la France. Donc, il y avait une secondarisation de ces deux siècles de République. Alors que Marine Le Pen fera davantage sien le vocabulaire républicain traditionnel. Et elle ira même, chose absolument impensable pour son père, jusqu'à se réclamer de certains éléments de l'héritage gaulliste. Et on verra même Florian Philippot se rendre chaque année sur la tombe du général de Gaulle à Colombey, les deux églises. Et loin des vitupérations paternelles contre une démocratie essoufflée, elle sanctifiera de son côté la démocratie comme notre ultime bien commun, en dénonçant sa confiscation par une caste, et elle se présentera en porte-parole des oubliés, des invisibles et des anonymes. Ces ruptures n'ont pas été de l'ordre de ce qu'on pourrait qualifier d'aggiornamento. Elles ont simplement relativisé ce qui peut être considéré comme les spécificités natives de l'histoire française du FN, ont relativisé ces spécificités natives pour établir le FN dans son être populiste. Son être populiste dont je parlerai bientôt. Ce qui est apparu à travers ces changements affectant le passage de la République, du socialisme à la République, cette transformation de l'extrême droite en national-populisme, c'est un grand chaudron politique. Un grand chaudron politique qui va présenter un aspect essentiel. C'est une conception négative de la politique. Car à côté des deux réalignements spectaculaires que je viens d'évoquer, qui sont des réalignements qui concernent des formations politiques, ce sont aussi des nouvelles appréhensions du monde et de nouveaux clivages qui ont commencé à structurer de façon plus diffuse et plus profonde le paysage politique et social français, bien au-delà de ces deux formations politiques. Et ils se sont appréhendés, ces clivages, surtout de façon négative. Dans l'ordre politique, c'est la dénonciation du système, entre guillemets, qui a par exemple commencé à paraître plus pertinente que l'opposition entre droite et gauche pour beaucoup. Nourrie par le désarroi citoyen et un sentiment de défiance croissante vis-à-vis de la capacité des partis de changer l'ordre existant des choses, l'intervention populaire s'est du même coup de plus en plus manifestée sous les espèces de ce que j'ai appelé une souveraineté d'empêchement. Et c'est ainsi, au début des années 1990, que j'ai commencé à parler de démocratie négative. Il est d'ailleurs frappant que de nombreux travaux de sciences politiques aient montré à ce moment-là que l'on est passé d'une privatisation qui était en cours dans les années 1980, d'un retrait des citoyens qui se repliaient sur la sphère privée, à une politisation d'un nouveau type, une politisation négative. Les gens sont alors revenus à la politique, mais en accablant la politique. Pour exprimer les choses dans le langage d'Albert Hirschman, vous savez, montrait que face à des situations, il y a trois manières de réagir. On peut réagir par l'exit, le voice ou la loyalty. La loyalty, c'est-à-dire l'adhésion à un système. Le voice, c'est la protestation. Et l'exit, c'est la défection. Eh bien, les années 1980 ont été marquées par des années d'exit, c'est-à-dire le retour sur la sphère privée, alors que les années 1990 ont été un retour du voice, de la protestation, sous les espèces de cette politisation négative, de ce que j'appelais une démocratie négative. Dans la France des années 1950, le poujadisme avait déjà illustré cette conception négative en présentant aux élections de 1956, je le rappelle, des candidats qui a vu pour seul programme d'inviter à sortir les sortants. Mais le mouvement n'avait été qu'un feu de paille, mobilisant de surcroît essentiellement un milieu spécifique, celui des artisans et des petits commerçants. Mais ce mouvement a été beaucoup plus durable et plus large à partir des années 1990, alimentant autant la progression du Front national que celle de l'abstention. C'est alors marqué l'entrée pour reprendre une expression d'Elias Canetti, l'entrée dans un âge des masses négatives. Et je parlerai de mon côté plus tard d'une exacerbation destructrice de la contre-démocratie. Et c'est en accusant parallèlement l'Europe existante d'être asservie aux puissances dissolvantes du marché que montra en puissante, à côté de cette démocratie négative, un sentiment de rejet de l'Europe, un sentiment anti-européen, reconstructeur de toute une vision du monde. Les deux votes successifs de 1992 et 2005 sur l'adoption du traité de Maastricht et du projet de constitution européenne montreront en effet la profondeur de ce sentiment européen. Comme si, là aussi, c'était d'abord sur un mode négatif que l'on pouvait espérer ressusciter l'idée de volonté en politique. Et c'est parallèlement l'idée de nation qui s'était effacée dans les années 60 et 70, qui refera aussi de façon beaucoup plus diffuse surface. Et elle prendra sens dans l'ordre économique, en se liant au projet d'un national protectionnisme garantissant les emplois. Nation dont on attendait aussi qu'elle redonne consistance solidaire à une société minée par l'individualisme et les inégalités. La notion d'identité s'est affirmée dans ce contexte comme une nouvelle valeur politique et sociale cardinale. Elle a été sous-tendue par une vision essentiellement négative de l'égalité. C'est en effet de l'appartenance à une même communauté de rejet et de distanciation que beaucoup se sont mis à attendre une solution à la question sociale. Pour bien comprendre cet air diffus du temps, il faut voir que ces idées n'ont pas constitué une théorie unifiée et bien ordonnée. Elles ont en effet eu pour caractéristique d'être formulées en étant greffées sur des phobies, des passions ou des préjugés pouvant être fort différents ou sur des substrats doctrinaux ayant leurs histoires propres et leurs spécificités. Nous avons donc besoin d'une théorie des greffes et d'une théorie des passerelles pour bien comprendre ce qui se passe politiquement et intellectuellement pendant cette période. Pour commencer à établir cette théorie des greffes, prenons le cas de l'égalité-identité. Cette vision de l'égalité-identité, qui monte en puissance dans ces années-là, elle a pu être greffée sur différents substrats. Elle a pu être greffée sur un socle de xénophobie et ou de rejet viscéral de l'immigration. Cela avait déjà été le cas à la fin du XIXe siècle dans la vision de la nation telle que Barrès l'avait conçue. Au-delà de l'appréhension historique de la nation, l'auteur de La colline inspirée avait en effet publié au moment des élections législatives de 1893 un pamphlet incendiaire qui avait pour titre « Contre les étrangers » et dans lequel l'idée de patrie était redéfinie à partir d'un rejet des étrangers qui redéfinissait elle-même la question sociale. Et Barrès expliquera d'ailleurs que c'est par un retournement intérieur du socialisme de sa jeunesse qu'il était devenu un des chantres du nationalisme. L'idée de patrie correspondait chez lui à la constitution d'un front de rejet contre les ouvriers étrangers et ce qu'il appelait la marée montante des naturalisations qui menaçait ce qu'il appelait la race française. Et Barrès défendra sur cette base tout un ensemble de mesures économiques pour mettre en œuvre ce qu'on a commencé à appeler pendant cette période un protectionnisme ouvrier. Préférence nationale systématique en matière d'embauche, expulsion des étrangers à la charge de l'assistance publique, taxation spécifique de l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Et ces questions alimenteront de nombreuses propositions de loi et permettront de mettre en place l'atmosphère qui contribuera à ce que de nombreuses agressions d'ouvriers étrangers eurent lieu pendant cette période. Il se formera d'ailleurs alors une Ligue pour la défense du travail national, dont les slogans étaient « La France aux Français » ou « La France envahie par les étrangers ». L'égalité-identité, donc, elle peut être greffée sur une telle vision xénophobe dont on voit très bien les premières formulations théorisées par Maurice Barrès et qui seront exactement reprises dans les années 1990. Mais cette égalité-identité, elle peut être aussi fondée de façon plus traditionnelle sur une conception que l'on pourrait dire classiquement républicaine de la nation-fraternité, pour laquelle le lien national est lié à un type de patriotisme constitutionnel considéré comme premier par rapport à une solidarité redistributive d'État-providence. Et on peut, en troisième lieu, aussi faire d'une conception sociétale de la laïcité le fondement du lien social national. Conception sociétale large, on est là au cœur de bien des discussions contemporaines, conception sociétale large, considérant la laïcité comme devant établir des normes de comportement et des normes du vivre ensemble, opposées à une définition, disons, plus restrictive et plus juridique de la laïcité, définissant simplement le statut des religions qualifiées de culte par la loi de 1905 dans l'État. Et on voit bien que greffer sur ces différentes approches une même conception de l'identité-égalité pourra prendre des tonalités spécifiques, voire même contradictoires. Et pour prendre un autre exemple, une même démocratie de rejet peut se lier à un idéal de démocratie directe, voire d'identification populiste du peuple à un leader, ou bien fonder le projet d'une démocratie parlementaire représentative qui serait, elle, estimée authentique. Cette théorie des greffes permet ainsi de comprendre comment peuvent ou non s'établir des convergences et des passerelles entre des idéologies et des formations politiques aux histoires très différentes. Les convergences intellectuelles se constitueront aisément sur la base des idéologies négatives, mais il n'en va plus de même si celles-ci se formulent accompagnées des éléments sur lesquels elles se greffent. Quant aux passerelles entre des formations politiques, des personnes seront du même coup susceptibles de les établir et de les emprunter en fonction de la place qu'occupe la dimension négative des idéologies dans leur vision du monde et de la société. Et on sait là à quel point les aversions, les haines et les rejets comptent dans la formation des préférences et des choix électoraux. Appréhender les choses de cette façon permet d'éviter de faire des amalgames hasardeux et en même temps de comprendre les conditions de circulation croisée des idées, des personnes et des mouvements politiques. La comparaison avec les années 1890-1914, celle de la première mondialisation, est éclairante sur ce point. On avait en effet alors déjà vu des idéologies et des opinions se recomposer sur un mode inédit. Droite révolutionnaire et gauche réactionnaire, comme je les ai mentionnés, pour reprendre les typologies acceptées, se mêlant alors, en même temps, que s'opéraient des reclassements personnels spectaculaires, particulièrement dans les milieux des révolutionnaires blanquistes. Les milieux des révolutionnaires blanquistes, où l'on verra des plus éminents de leurs figures passer à l'extrême droite sous la bannière d'un anticapitalisme antisémite. Mais il faut en même temps souligner que ce parallélisme présente une différence de taille. C'est que ces idéologies de recomposition avaient alors, à la fin du XIXe siècle, vu leur force d'attraction diminuer au fur et à mesure que de nouvelles institutions constitutives d'une république sociale s'étaient mises en place. Avec les lois sur les accidents du travail, les retraites, les premiers pas vers une sécurité sociale ou encore le développement des syndicats et des conventions collectives, la condition ouvrière avait en effet mieux été protégée au tournant du XXe siècle, dissipant dans ce cas les illusions du national-protectionnisme et la haine des étrangers qui le véhiculaient. Et c'est aussi dans le cadre de ces recompositions qu'il faut comprendre l'émergence du phénomène politique et social majeur que représente, en France mais aussi partout dans le monde, la montée en puissance des populismes. C'est un phénomène que l'on ne saurait réduire à une série de victoires d'un style politique démagogique alimenté par les rancœurs et le désarroi des citoyens. Il y a bien en effet une raison populiste qui a sa cohérence et dont on peut décrire les éléments constituants. Je consacrerai un cours entier à l'analyse des populismes contemporains et en proposer une conceptualisation. Mais il faut souligner dès maintenant que la théorie des greffes que je viens d'esquisser est très importante aussi pour comprendre ces populismes. Parce que cette théorie des greffes permet de comprendre comment, tout en partageant par exemple une même vision critique de la démocratie existante ou des institutions européennes, ces populismes peuvent présenter des traits spécifiques, dans certains cas enracinés dans un socle d'extrême droite, focalisé sur les questions d'immigration, dans d'autres cas articulés sur une culture politique du dégagisme, ou articulé, dans d'autres cas, disons un populisme de gauche, avec des projets de réduction des inégalités. Et cette théorie des greffes permet aussi, parallèlement, de rendre compte tant de la plasticité de chacun de ces populistes que de leur capacité d'attirer des catégories d'électeurs constituant une même communauté de rejet, tout en ayant des motivations positives qui peuvent fortement diverger. De son côté, la théorie des passerelles explique les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer les passages d'un populisme de gauche à un populisme de droite et vice-versa. Et je développerai aussi cette question dans l'analyse spécifique que je consacrerai au populisme dans un des prochains cours. Après avoir analysé ces transformations des années 1990 avec l'analyse de cette transformation du républicanisme, avec l'analyse de cette transformation de l'extrême droite, je voudrais maintenant qualifier un certain nombre de transformations concernant l'espace des partis de gauche proprement dit et continuant à affirmer cette identité de gauche. Il y a à cet égard deux grands traits, me semble-t-il, à souligner pendant cette période des années 1990. Un premier grand trait, c'est la constitution progressive de ce que j'appellerais une gauche de résistance, et dont je vais essayer de définir les caractéristiques. Gauche de résistance, dont on peut considérer que la date de 1995 marque un point de référence facilement identifiable. La deuxième évolution, c'est ce que j'appellerais la conversion déphasée à la social-démocratie de la gauche de gouvernement, qui n'arrivera pas, à travers cette conversion, à retrouver les éléments d'une identité autre que gouvernante. Et je montrerai enfin dans quelles conditions on peut considérer que le rapport à l'avenir a été substantiellement modifié par ces deux transformations à gauche, et que, contrairement à ce qu'on analyse souvent, ce n'est pas simplement l'idée de progrès qui a fait de plus en plus défaut, mais comment c'est la représentation des conditions d'une solidarité ou d'une démocratie effective qui n'ont pas été suffisamment formulées. Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre Auzan-Vallon, aujourd'hui, Nouvelle culture politique en mode négatif et les mutations de la gauche. Voyons d'abord les conditions de constitution de ce que j'appelais cette gauche de résistance. Partons de 1995 pour la caractériser. La France a connu en effet à l'hiver 1995 un des mouvements de grève les plus importants de l'après-guerre. Le nombre de manifestants et de grévistes alors impliqués venant juste après les records enregistrés en mai 68. Mais c'est un mouvement qui, à la différence de 68, malgré son ampleur, n'a pas fait surgir d'idées neuves, n'a pas constitué une étape dans la longue histoire de l'émancipation, ne s'est lié à la formulation d'aucune utopie. Il a en revanche été caractérisé par des éléments de langage qui ont marqué une rupture dans l'histoire sociale et politique. Ce mouvement a ainsi exprimé son ressort le plus puissant en mettant ce mot de résistance au poste de commandement. Un mot glorieux, mais également ambigu, dont la véritable portée n'apparaîtra que progressivement. Dans un premier temps, c'est aussi le monde intellectuel qui s'est déchiré face à un événement qui a constitué une sorte de révélateur auquel conduisait le pragmatisme des uns et la posture des autres. Au point de départ de l'affaire, de ce qui a déchiré le monde intellectuel, il y a eu un projet de réforme de la sécurité sociale comme il y avait eu beaucoup d'autres auparavant, ce qu'on appellera le plan Juppé, du nom de celui qui était alors Premier ministre, plan qui sera présenté au Parlement à la mi-novembre 1995. Dans son volet consacré à l'assurance maladie, ce plan ne se limitait pas à la mise en place d'un énième programme d'économie, mais il essayait d'engager la mise en place d'un régime véritablement universel d'assurance maladie qui serait financé par l'ensemble des revenus. Il y avait donc un projet, pourrait-on dire, de nationaliser le système de sécurité sociale, ce qui est toujours à l'ordre du jour, en proposant de faire dorénavant le budget de la sécurité sociale par le Parlement lui-même, donc le réintégrer politiquement dans le débat politique parlementaire. Et de façon innovante, l'accent avait simultanément été mis sur la prévention et un suivi plus individualisé des patients. Ces éléments étaient apparus suffisamment positifs sur le fond à la CFDT pour qu'elle parle à son propos de soutien critique. Critique du fait de nombreux aspects techniques qui apparaissaient contestables ou problématiques. Et cette position valut à la CFDT de recevoir une volée de bois vert de la part des autres syndicats qui s'inquiétaient, eux, surtout, d'une réforme parallèle qui avait été annoncée en même temps mais qui était distincte. C'était celle de la réforme des systèmes spéciaux de retraite, dont celui de la SNCF. Réforme qui, présentée en même temps, télescopait et brouillait la première, question qui était spécialement ultra-sensible dans le secteur public. Et brutalement défaite par la droite aux législatives de 1993, la gauche parlementaire entendait de son côté mener la vie dure au pouvoir pour jouer résolument son rôle d'opposant. Et seuls quelques socialistes, parmi lesquels Michel Rocard et Martine Aubry qui avait vu dans ce projet l'amorce de ce qu'elle mettra ensuite en place avec la CMU. La CMU étant un projet initié à ce moment-là. Ils jugèrent de façon équanime le projet en se contentant d'une appréciation sur le fond. Et c'est dans ce contexte que la revue Esprit, qui comptait beaucoup de lecteurs dans les milieux professionnels de la santé et des services sociaux, prit l'initiative d'une pétition pour soutenir le soutien critique de la CFDT. J'y avais naturellement ajouté mon nom, aidant à en collecter quelques-uns. Par solidarité avec la démarche sur le fond, d'abord, j'avais en effet publié quelques mois plus tôt La Nouvelle Question Sociale, un ouvrage dans lequel j'avais parlé de la nécessité de refaire nation pour relégitimer notre système de protection sociale et rendre acceptable la hausse des prélèvements nécessaires pour l'alimenter. Pour sortir aussi du réflexe de posture que je déplorais dans les rangs d'une gauche qui s'y soumettait d'autant plus que son capital d'idées s'était érodé. Et je me sentais aussi à ma place dans une liste de signataires où se retrouvaient Robert Castel, qui venait de publier ses Métamorphoses de la question sociale, Daniel Defer, Jacques Le Goff, Michel Perrault, Paul Ricoeur, Laurent Schwartz, Alain Touraine, Paul Venn et beaucoup d'autres, pour ne mentionner que des noms de personnes dont j'admirais les travaux. Ces signatures avaient commencé à être collectées à la mi-novembre, avant donc que le mouvement de grève ne se déclenche vraiment, parce que c'est en décembre qu'il s'amplifiera. Et un ensemble d'universitaires lancera alors une pétition en décembre qui sera publiée le 15 décembre sous le titre d'appel des intellectuels en soutien aux grévistes. Cet appel ne disait mot du contenu précis du plan Juppé. Il se contentait en termes très généraux d'en appeler à contrer, je cite, l'offensive lancée par le gouvernement contre les services publics. Les deux pétitions avaient ainsi été publiées dans des contextes différents. Et c'était, d'une certaine façon, télescopé à contre-temps. Elles ne pouvaient donc pas être présentées, en tant que telles sur le fond, comme deux prises d'opposition antagonistes, du fait de ce décalage dans le temps. Et j'étais d'ailleurs intervenu de mon côté à plusieurs reprises, au début du mois de décembre, pour déplorer le mode de gestion du projet de Juppé, que j'avais qualifié de « lamentable ». Et dire que je comprenais parfaitement la révolte de ceux qui s'étaient mis en grève parce qu'ils se sentaient mis sur la touche, abandonnés, une certaine incertitude de l'avenir. Mais les médias n'en mirent pas moins en scène le spectacle d'une guerre des intellos qui fit couler beaucoup d'encre. Et cette construction médiatique dispensa de s'interroger en profondeur sur le sens de ce mouvement de grève et de le caractériser adéquatement. et de comprendre quelle était, s'il y en avait une, la véritable nature de la ligne de fracture politique qui avait pu se manifester à ce moment-là dans le monde intellectuel. Tel que je l'avais appréhendé, le mouvement de grève avait d'abord eu une dimension classiquement corporative, au regard de la question des régimes spéciaux de retraite notamment, qui, beaucoup plus sensibles, étaient venus se greffer sur, comme je l'ai dit, celle de l'assurance maladie, paralysant cette dernière question d'une certaine façon. Et les syndicats qui s'étaient mobilisés dans cette perspective défendaient classiquement les intérêts de leurs adhérents, sans insérer autrement que rhétoriquement leurs revendications dans une vision universaliste, ce qu'on appelait traditionnellement dans le monde ouvrier une vision de classe. Mais si le mouvement de grève prit l'ampleur qui fut la sienne, et s'il fut aussi largement soutenu par la population, ce n'est naturellement pas sur une base aussi étroite que les choses avaient pu se cristalliser. Cet automne 1995 arrivait un moment où dominait la perception d'une liquéfaction des représentations positives de l'avenir, avec une gauche à bout de souffle. Régnait une atmosphère d'angoisse diffuse, le sentiment d'une déprise sur la marche des choses, comme si, du même coup, seule une démocratie de rejet pouvait alors paraître opérante, comme s'il convenait de s'investir dorénavant dans un mouvement en soi, celui d'une résistance aux contours flous, le but s'étant obscurci ou décomposé. Au-delà de l'épisode historiquement secondaire de cet affrontement de papier, c'est bien la cristallisation d'une nouvelle culture politique, celle d'une gauche de résistance qui s'est opérée à ce moment. Cette gauche de résistance, le plus simple pour essayer de la caractériser, c'est de partir de la personne qui a, d'une certaine façon, été l'intellectuel organique de cette nouvelle culture et qui a consisté, par ses écrits, par ses interventions, à essayer de lui donner consistance. Ce sont en effet les interventions directes dans le mouvement, mais aussi les réflexions publiées par Pierre Bourdieu qui ont donné consistance à cette nouvelle culture politique. On peut donc prendre ces pensées de cette période comme guide pour prendre la mesure de cette émergence. Je ne parle pas là des concepts fondamentaux de sa sociologie. Ceux-ci, qui ont été forgés de façon relativement précoce, sont en effet restés remarquablement constants. Ils n'ont fait qu'être enrichis et précisés au fil du temps, que l'on songe par exemple au concept d'habitus, de capital social, de champ ou de violence symbolique. Pour considérer Pierre Bourdieu comme intellectuel organique de cette nouvelle culture en formation, je fais référence de façon plus spécifique, parce qu'elle était en l'occurrence décisive, à son analyse de l'État. Même si ses travaux avaient longtemps été cantonnés au domaine de l'enseignement et de la culture, il les avait de fait appuyés sur une théorie générale implicite de l'État. En considérant cet État comme un appareil de coercition qui possédait le monopole de la violence physique et symbolique légitime. Cette notion de violence symbolique légitime étant la marque propre de l'analyse de Pierre Bourdieu par rapport aux analyses classiques de la domination de l'État. Ce qui lui permettait, sur cette base, d'avoir élargi l'approche marxiste, qu'il jugeait trop mécanique, et l'approche de Max Weber, qu'il jugeait trop étroite. En même temps que cela lui permettait de se démarquer des analyses de Norbert Elias ou des analyses de Michel Foucault, qu'il estimait trop focalisé sur la dimension disciplinaire. Donc cette définition de Bourdieu de l'État était, en se situant dans l'ensemble de cette tradition, de ces histoires, marquée sa spécificité. Mais l'idée générale restait bien en même temps de le concevoir avec cette spécification comme un organe concentré de domination dont la dimension était dissimulée derrière une rhétorique de l'intérêt général. Appliquée à l'école, cette conception conduisait à la concevoir comme une institution dont la fonction de reproduction sociale était masquée par une prétention universaliste. L'idéologie du don et le principe du mérite en étant les agents pratiques d'activation. Bourdieu en était toujours là, dans son analyse du champ du service public, comme il disait, au tournant des années 1990, comme en avaient témoigné les cours au Collège de France, qui seront très récemment, en 2011 seulement, publiés sous le titre « Sur l'État ». Et dans son cours d'ouverture de cette année 1990, il disait ainsi que, je le cite, « c'est en tant que fiction collective, en tant qu'illusion bien fondée, que l'État peut remplir ses fonctions de conservation sociale, de conservation des conditions de l'accumulation du capital. » Mais tout changera ensuite vers le milieu des années 90. Ce n'est plus le procès de l'État qui sera instruit, mais c'est à l'inverse la menace représentée par son retrait qui sera dénoncée. Ce retrait coupable sera défini et stigmatisé pour la première fois dans le chapitre « La démission de l'État » de son ouvrage, enfin, l'ouvrage collectif qu'il a dirigé, « La misère du monde », 1993. Et Bourdieu l'imputera, je le cite, « à une conversion collective à la vision néolibérale à laquelle les dirigeants socialistes auraient donné son plein effet en s'y ralliant. » En parlant de démolition organisée de l'idée de service public, il laissait du même coup entendre que cette idée de service public avait auparavant effectivement inspiré les actions et les structures de l'État. L'État, dira-t-il en effet explicitement, est un universel social tout à fait singulier dont la fin officielle est le service public, le service du public et le dévouement à l'intérêt général. On peut tourner tout cela en dérision, poursuivait-il, invoquer des formes notoires de détournement des fins et des fonds publics, mais il reste, je continue à le citer, que la définition officielle de l'officiel est une extraordinaire invention historique, un acquis de l'humanité, au même titre que l'art ou la science. Exit donc l'État mystificateur et l'État de classe, qui s'effaçait dorénavant derrière un État de service public dont le déclin était violemment dénoncé, étant de la sorte rétrospectivement érigé en institution positive. Cet État était désormais appréhendé comme, je le cite, « dépositaire de toutes les valeurs universelles associées à l'idée de public ». Et il était donc célébré comme une des instances collectives, je le cite à nouveau, « capable de contrecarrer les effets de la machine infernale néolibérale ». Le combat pour la permanence ou la survivance des institutions et des agents de l'ordre ancien était du même coup considéré comme le ressort vital d'une action progressiste dans la période, les ressources que recelait cet ordre ancien étant explicitement exaltées. Bourdieu allait même là jusqu'à parler du combat à front renversé que représentait une telle subversion orientée vers la conservation ou la restauration. Une subversion orientée vers la conservation ou la restauration. Ces forces de conservation, expliquait-il, n'ont aucun effet conservateur. La politique de résistance, il soulignait ce mot, qu'elles incarnaient, s'imposant au contraire comme un impératif progressiste prioritaire. Pierre Bourdieu n'a jamais expliqué s'il considérait qu'une telle approche invalidait ou pas et en quel sens son approche précédente de l'État. Mais il y avait bien, à mes yeux, dans ce basculement et cette rupture, un élément décisif de compréhension de la période. Bourdieu en donnait d'ailleurs une des clés dans la façon qu'il avait parallèlement de reconsidérer le rôle des agents du service public. Dans ses premiers travaux, il avait, par exemple, parlé à propos des enseignants, je le cite, d'une complicité qui s'ignore avec le monde des dominants. Complicité qui se dissimulait à elle-même sous des professions de soi généreuses. En résultait, écrivait-il, le fait que, je le cite, le système scolaire peut servir à la perpétuation des privilèges sans que les privilégiés aient à se servir de lui. Plus même, la fonction mystificatrice de l'école était à ses yeux particulièrement entretenue par ceux de ses agents à qui il avait dû sa promotion sociale. Ceux que l'école a libérés, soulignait-il ainsi, dans un texte qu'il vaut la peine de citer. Sont plus que les autres enclins à croire en l'école libératrice, ce par quoi l'école conservatrice a encore raison d'eux. Aliénés par leur libération, ils doivent payer de la foi en l'école libératrice leur succès, Ils mettent leur foi en l'école libératrice au service de l'école conservatrice, qui doit au mythe de l'école libératrice une part de son pouvoir de conservation. De ce fait, pour lui, nul ne pouvait vraiment échapper à sa position complice de fausse neutralité qui caractérisait l'école. Là encore, son analyse marquera une rupture dans les années 1990. Les enseignants seront en effet dès lors décrits comme appartenant à une, je cite, « petite noblesse d'État » qui défendra sur le terrain de son métier quotidien l'intérêt public. Il les qualifiera même de « saints bureaucratiques » luttant contre les bureaucraties, en but, comme bien d'autres, aux agissements d'une grande et coupable noblesse d'État. Les combats jugés corporatistes des agents de la fonction publique devenaient de la sorte uniment célébrés comme des actes de résistance aux agissements d'une technocratie enivrée de néolibéralisme. Était proclamée sur cette base une unité qui faisait du cheminot luttant pour le maintien de sa retraite à 52 ans le frère d'armes du travailleur social sous-payé se dévouant corps et âme à sa mission, tous deux s'opposant à la destruction d'une civilisation associée à l'existence du service public. C'est sur cette base que Bourdieu s'est alors imposé comme l'intellectuel organique de la gauche de résistance. Il avait du même coup été aussi conduit à se faire le théoricien de ce qu'il appellera le corporatisme de l'universel, dont les intellectuels incarnaient à ses yeux une figure et alliaient de cette façon la notion de résistance à une forme de restauration. Pour cette nouvelle gauche de résistance, c'est le néolibéralisme qui était devenu l'ennemi principal. Le terme de capitalisme ayant été secondarisé dans la critique sociale. On a alors entendu, j'en ai dit quelques mots à propos de l'évolution du CRS, on a alors entendu résumer, avec ce mot de néolibéralisme, tous les maux et les mutations contemporaines, qu'il s'agisse de l'explosion des inégalités, des excès de l'individualisme, des politiques de privatisation et de dérégulation, ou encore de l'accélération de la mondialisation. Mais c'est du même coup devenu un mot en caoutchouc, renvoyant une réalité indissociablement monolithique et insaisissable. Le rapport de la critique sociale à l'action s'est trouvé altéré de ce nouvel usage du terme de néolibéralisme. La différence avec l'ancienne dénonciation du capitalisme est en effet sur ce point frappante. On peut en effet toujours dessiner des alternatives précisément formulées au capitalisme, que ce soit en termes de forme de propriété, de mode d'organisation des structures économiques, de rôle des salariés et des syndicats dans la gestion des entreprises, ou encore de conception de la régulation macroéconomique. Il y a eu sur tous ces points des projets précis qui n'ont cessé d'être formulés et discutés dans leur pertinence et leur possibilité de mise en œuvre. Le point important et que le capitalisme est en effet toujours possiblement pluriel. Des capitalismes différents étant caractérisés par des formes spécifiques de propriété, des modalités de décision ou de contrôle pouvant être très éloignées. La même remarque vaut si l'on considère les politiques de réduction des inégalités ou l'organisation des formes de communalité. Mais il n'en va pas de même avec le néolibéralisme, toujours appréhendé au singulier et de façon globale, monstre total persévérant né variéture en son être. S'il avait le visage, simplement, d'une poignée de groupes financiers, on pourrait bien le combattre et le mettre au pas. Mais s'il définit plus largement une forme de société et un mode de pensée, bref, un mode de dénomination de la modernité elle-même, il devient une hydre beaucoup plus immaîtrisable. On peut alors le dénoncer, en déplorer les manifestations, mais sans pouvoir affirmer autre chose qu'un impératif flou de résistance ou une déploration impuissante. Une qualification qui échoue donc à servir de support à une critique instrumentale, ne pouvant donc offrir la perspective d'une alternative ou d'un dépassement. Un mot qui donne le sentiment de faire face à l'inébranlable. J'avais l'impression que renaissait en fait sur ce mode l'ancienne vision du fatalisme historique qui dominait la philosophie marxiste à la fin du XIXe siècle, avec cette différence très notable que nul ne présidait plus l'effondrement proche du néolibéralisme. Alors que dans la vision marxiste, à la fin du XIXe siècle, de Kautsky à Bernstein, de Lénine aux Français comme Lafarge ou comme Guède, on pensait très proche l'effondrement du capitalisme. Alors que cette gauche de résistance tendait de la sorte vers une forme d'impuissance, le problème est que la gauche de gouvernement s'enlisait simultanément. Alors que se recomposaient les cultures politiques et les lignes de fracture à partir du milieu des années 1990, la gauche de gouvernement, formant la majorité du Parti socialiste, s'est progressivement trouvée comme vidée de sa substance, ne se montrant plus capable que de définitions également négatives d'elle-même. Dans la motion qu'elle avait présentée au congrès de Grenoble du Parti socialiste en octobre 2000, cette majorité avait mis l'accent sur la nécessité d'écarter les deux écueils sur lesquels le socialisme démocratique a souvent trébuché, l'incantation coupée du réel et le conformisme à l'air du temps. C'était donc une définition purement négative. Lionel Jospin, qui allait devenir Premier ministre à la suite de l'opération de dissolution rachetée par Jacques Chirac, s'était fait le nouvel interprète de ce réalisme assumé qui tranchait, certes, avec les louvoiements des années 1980. Il ne cessera, en effet, d'affirmer clairement les choses dans sa campagne électorale du printemps 1997. Il disait notamment « Je préfère affronter les impatiences que provoquer les regrets ». Ou encore « Ne faisons pas fantasmer les Français sur des choses que nous serions incapables d'appliquer si nous étions au pouvoir ». Nous ne sommes plus obligés, continuait-il, pour justifier notre action, d'utiliser la phraséologie révolutionnaire ou même la métaphore de la rupture. La prise de distance avec la geste mitterrandienne ne pouvait être plus clairement exprimée. On était apparemment avec ces mots dans la plus pure langue mendésiste. Mais c'était un parler vrai qui se trouvait comme hors sol, détaché d'une ambition d'avenir. Tout s'est alors passé comme si cette gauche de gouvernement s'était limitée à une fonction de prévention des élans démagogiques et protectionnistes qui commençaient à faire entendre leur petite musique dans les rangs de la minorité du parti. L'idée européenne restait la seule à être mobilisée pour dessiner un horizon d'avenir, tout en commençant à s'être passablement usée, comme on l'a déjà souligné. Cela ne voulait pas dire que le gouvernement Jospin n'avait rien fait. La Dream Team qu'il avait formée, selon la formule médiatique de l'époque, bénéficiait, il est vrai, d'un regain de la croissance. Elle avait eu, à l'actif de ses deux premières années, tout un ensemble de réformes emblématiques, 35 heures, couverture maladie universelle, emploi jeune, allocation personnalisée d'autonomie, l'institution du PACS. Mais aucune vision directrice n'avait été dégagée et l'essoufflement s'était donc ensuite produit. De 2000 à 2002, reconnaîtra crûment un de ses principaux ministres, nous avons géré le pays, mais nous n'avons pas su trouver un nouvel élan. Il s'agissait d'une formation du gouvernement davantage faite pour stabiliser, tenir et gérer que pour innover. Subsistait cependant toujours une difficulté de langage. Déterminé dans ses choix de politique économique ou de réforme des services publics, ce socialisme de gouvernement s'était en effet avéré incapable de se doter d'un langage propre et neuf, à la différence du New Labour britannique, dont l'offensive idéologique avait marqué le milieu des années 1990. Jospin et les socialistes français avaient pris leur distance avec le fameux manifeste de Blair et de Schröder de 1999, qu'ils avaient jugé trop à droite, mais sans pour autant définir précisément leur identité alternative. Leur réticence était restée inscrite dans les formulations traditionnelles du rejet du libéralisme. Il suffisait que certaines motions agitent dans le parti le danger d'un accompagnement social de la modernité libérale pour que la majorité s'exprime de façon défensive. « Nous ne sommes pas des libéraux », avait ainsi martelé Lionel Jospin, parce que le libéralisme, c'est l'illusion que la réalité économique ne peut être gérée par des lois universelles provoquant spontanément l'harmonie. « Mais nous ne sommes pas non plus, disait-il, des sociolibéraux, parce que les sociolibéraux sont ceux qui disent qu'il faut accepter les lois de l'économie dans leur dureté, mais faire de la compensation sociale ». Et d'en conclure de façon un peu décevante, nous sommes des socialistes et des démocrates, des sociodémocrates. Nous devons intervenir, organiser et réguler dans la sphère de l'économie, mais en nous tenant à notre place. l'économie et le social doivent marcher de pair, fermez les guillemets. Lié au rappel de l'attachement primordial à la cause européenne, cette qualification ne pouvait qu'apparaître décevante et incapable de mobiliser les esprits et les cœurs. L'adoption de ce qualificatif de social-démocrate avait un air d'aggiornamento aussi tardif que de faible portée. Le terme n'était en effet utilisé que de façon métaphorique, en oblissant, pourrait-on dire, la référence plus triviale à un centre-gauche. Il n'avait en effet aucun sens s'il était référé à l'histoire de ce qualificatif, tel qu'il avait fait sens au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne et dans les pays scandinaves. Cet usage métaphorique du terme de social-démocratie consistait en fait à rattacher symboliquement l'histoire française à celle des pays d'Europe du Nord qui commençaient à apparaître comme d'honorables modèles de substitution aux ambitions des origines. Mais on n'allait pas au fond des choses en même temps. Et on ne proposait nullement de relire à cette aune l'histoire du socialisme français et la nature des nouvelles perspectives qu'il devrait dessiner. La langue socialiste restait flottante. On parlait de réformisme de gauche, voire de réformisme radical, pour masquer une faiblesse conceptuelle derrière un qualificatif de positionnement politique qui paraissait, lui, rassurant. Le témoignage le plus frappant de ce flottement sera la formule surprenante employée par Lionel Jospin lors de la campagne présidentielle de 2002, lorsqu'il avait dit « Le projet que je propose au pays n'est pas socialiste ». Mais il n'avait pas dit positivement ce qu'il était. Se mêlait dans cet aveu une franchise qui attirait l'attention et l'expression d'un désarroi qui laissait perplexe. J'avais l'impression que se rejouait de la sorte dans le camp socialiste ce dont avait témoigné dans les rangs du Parti communiste l'adoption dans les années 1970 du terme d'eurocommunisme. C'était l'expression d'un aggiornamento qui était dépassé au moment même de sa formulation. Si la politique consiste, comme on l'a déjà dit, à donner un langage à ce que vivent les hommes et les femmes et à leur indiquer le chemin des possibles, force est de constater que le socialisme réformiste avait, dès cette période, cessé d'incarner une puissance d'avenir et qu'il n'avait plus la capacité de représenter le monde social. C'était évident pour le socialisme français, mais ce l'était tout autant pour celui des autres pays. La participation à un sommet des modernisateurs à Berlin en juin 2000, avait produit chez moi un véritable électrochoc. Ce sommet des modernisateurs avait voulu prolonger le sommet des progressistes qui s'était tenu un an plus tôt, en 1999, à Florence, sous la houlette de Tony Blair et de Gerhard Schröder, qui étaient désireux alors de s'afficher comme les chefs de file d'un mouvement de rénovation de la vieille social-démocratie sous la bannière de ce qu'ils appelaient un progressisme modernisateur. Ce sommet des chefs d'État à Berlin en 2000, qui comptait, outre les chefs de file du centre-gauche européen Bill Clinton, ainsi que le Brésilien Cardoso et le Chilien Lagos, avait été précédé d'une réunion d'intellectuels à laquelle j'avais été convié. S'étaient retrouvées là une centaine de personnes, parmi lesquelles Ulrich Beck, Anthony Giddens, Gösta Espinger-Andersen, Jürgen Habermas, Stephen Holmes, bref, ceux qui écrivaient les livres dont on parlait, alors, quand il était question d'interroger la situation du monde moderne et les perspectives du socialisme réformiste. J'avais trouvé les discussions décevantes, comme si j'avais été projeté dans un club de sages un peu fatigué. Et cela m'avait tendu un miroir qui m'avait alerté sur la situation de ma propre réflexion. Ma perplexité avait redoublé lorsque j'avais été invité le lendemain à faire en compagnie de Georges Charpak, qui venait de recevoir le prix Nobel de physique, lorsque j'avais été invité à faire un compte-rendu de cette réunion des intellectuels au cours du dîner des chefs d'État. Schröder, qui était l'organisateur de la manifestation, avait en effet voulu faire un geste en direction de Lionel Jospin en lui demandant que ce soit des Français qui s'en chargent, parce qu'il voulait attirer Lionel Jospin. Et nous avions eu avec Charpak 20 minutes pour balbutier quelques généralités, lui sur l'état de la planète et la priorité à donner à l'éducation, et moi sur le rôle de la société civile et la nécessité de refonder les institutions. Les chefs d'État étaient ensuite supposés intervenir chacun pour dire que, après cette réflexion que nous avions présentée, comment ils voyaient la social-démocratie ou l'avenir de la modernisation et du progressisme. Il avait donc suivi un tour de table des éminences et qui était censé rebondir sur notre présentation, ce qu'aucun ne fit. Chacun ayant sorti de sa poche une fiche préparée à l'avance pour se lancer dans une brève déclaration, et j'avais été stupéfait de n'entendre émettre aucune idée ou formuler aucun projet précis. Cela avait été une simple cascade de mots qui résonnait agréablement à l'oreille de tout progressiste normalement constitué, sans risquer d'en fâcher aucun. J'ai alors compris que l'important avait simplement été que ce sommet ait eu lieu et qu'il ait permis à chacun des participants d'en récolter dans son pays les fruits médiatiques en se voyant consacré comme un homme de bien par quelques puissants de la planète. Mais il y avait un tel décalage entre ce carnaval de mots et les réalités que je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était aussi l'englissement des idées elles-mêmes qui en était la cause directe. Seul le bénéfice d'une fonction d'alternance avait à plusieurs reprises permis de masquer en France l'ampleur du phénomène. Au-delà de l'affrontement des programmes, chaque parti d'opposition bénéficie en effet en démocratie d'une sorte d'avantage comparatif face aux pays sortants lorsque l'exercice du pouvoir a usé, voire même discrédité, ce dernier. Et le Parti socialiste avait encaissé une telle prime d'alternance en 1997, après les deux premières années du septennat de Jacques Chirac, puis plus tard, de nouveau, en 2012, après le quinquennat de Nicolas Sarkozy qui n'avait pas tenu ses promesses. Cet effet d'alternance en 2012 sera d'ailleurs massif, puisque outre la conquête de la présidence de la République, les socialistes obtiendront dans la foulée la majorité absolue à l'Assemblée, une majorité au Sénat et la présidence de toutes les régions, à l'exception de l'Alsace. Et en 2017, c'est au profit de nouvelles forces émergentes que cette prime a spectaculairement joué, rayant cette fois de la carte pratiquement le Parti socialiste qui avait déjà subi des défaites en 2014 et 2015. Et le vide de ces idées a alors apparu dans toute sa crudité. Et tout s'est passé comme si cette gauche de gouvernement avait été soudain perçue comme n'ayant plus rien d'original à dire et à proposer. Mais cette situation ne peut pas simplement être comprise comme résultant des atermoiements des gouvernements successifs et des déceptions qu'elle avait suscitées. C'est l'aboutissement d'un long processus qui remontait en fait à l'année 1983, c'est-à-dire à partir du moment où cette gauche de gouvernement n'a plus su se définir que par son réalisme. Le signal le plus manifeste de cette indéfinition a été le rejet aussi permanent que non argumenté de l'expression « social-libéralisme ». J'ai cité Lionel Jospin sur ce point. Un de ses successeurs dira plus tard « Le social-libéralisme ne fait pas partie de notre vocabulaire ». J'ai admiré l'expression « vocabulaire », car c'est la référence à cette notion de vocabulaire qui retient l'attention. Je comprends en effet très bien que l'on puisse être hostile au social-libéralisme, c'est même un point de vue que je partage, mais à condition de l'avoir clairement défini et d'en avoir fait une déconstruction circonstanciée, ce qui n'a jamais été fait. En a témoigné d'une autre façon la distance politique prise vis-à-vis de Tony Blair, avec l'absence simultanée d'une analyse critique précise des fondements intellectuels du New Labour. J'avais pour une part compris qu'il y avait là un point de passage obligé pour toute tentative de refondation. Et c'est pourquoi j'ai lu attentivement toute la littérature consacrée à ce qu'on appelait alors aussi la troisième voie. C'était les cours du Collège de France le 17 janvier 2018. Vous venez d'écouter Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique. Aujourd'hui, nouvelle culture politique en mode négatif et les mutations de la gauche. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre Auzan-Vallon. Son essai « Le bon gouvernement » est disponible dans la collection Point Seuil depuis 2017. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration de l'histoire politique des années 1990. Nous irons du côté de la Grande-Bretagne en compagnie de Pierre Auzan-Vallon. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.